Bon après-midi. Aujourd'hui, à l'absence de M. Dussault, peut-être pour toute la journée, je serai là. Bonjour. Ah, il était retenu pour des causes astrales. Manipulation. Aujourd'hui, commence donc par nous parler de la stupidité humaine. Bon, la stupidité humaine. Non, pas la stupidité astrale, mais stupidité humaine. Peut-être que ça a un lien ou un rapport. Oui, à travers le processus de la conscientisation, c'est extrêmement important que l'humain prenne conscience de la stupidité. La stupidité, outre le fait que c'est un mot qu'on emploie pour essayer de forcer un individu à adopter notre point de vue, donc on le traite de stupide, donc pour qu'il ne soit pas stupide, il faut que ce soit comme nous autres. La stupidité, c'est un mot intéressant qui désigne l'application de mécanique intelligente à travers un processus incompris par un humain qui n'a pas finalement accès à cette intelligence-là. La stupidité, c'est lorsqu'on a accès à de l'information et qu'on l'applique sans tenir compte de l'information. Exactement comme on va dire, une arme à feu, ça peut servir à certaines choses. Donc, on construit une arme à feu où on va, par exemple, armer un policier pour qu'il s'en serve à bon escient. Et puis, s'il est stupide, il va s'en servir sans arrêt n'importe quand. Pourquoi? Parce qu'il va ramasser une partie de l'information. L'arme à feu peut servir à donner du pouvoir, peut servir à frayer un chemin. Et il va s'en servir sans prendre en considération le karma, c'est-à-dire qu'il ne prendra pas en considération tous les événements qui peuvent être enclenchés par l'utilisation d'une arme à feu. La stupidité humaine, c'est lorsque l'être humain a donc accès à l'information, mais n'est pas capable de se servir de l'information en fonction de l'information. On te donne une vision intelligente d'une illusion sur la planète, et si tu es un être stupide, en ce sens, tu es un être incapable de te servir de l'information en tenant compte de l'information, tu vas être déprimé. Tu vas être en maudit, mais une colère astrale, tu vas vouloir détruire les choses, c'est de la stupidité. La stupidité humaine, c'est dans cet exemple-là, la stupidité humaine, c'est quelque chose qui régit tous les individus sur la planète Terre. Les gens sur la Terre sont stupides. Bon, tous les gens sont stupides, toi y compris. Bon. Maintenant, quand je parle stupide, je veux dire que l'être humain n'a pas encore la possibilité de se servir de l'information en tenant compte de l'information. Si on vous fait voir quelque chose, ben, l'être humain devrait être capable de garder une vibration de sa vision et ne pas se déprimer parce que s'il a eu accès à la vision, c'est que nécessairement il y a quelque chose plus haut qui lui a permis d'avoir accès à la vision. Ou c'est que l'être humain a la capacité de monter d'échelons de temps en temps pour découvrir stupidement l'illusion. Et parce que l'être humain est stupide, lorsque l'être humain monte un peu en haut de l'illusion, il retombe dans l'illusion en se disant que « Ah, tu as vu comment c'était? » Puis il recommence encore à vivre tout croche. Et il n'est pas capable de se servir de l'énergie de l'information. Il se sert de l'information. Donc, il ne tient pas compte de l'information. Tout à l'heure, je discutais avec une personne, puis je parlais de la stupidité dans le sens que, prenons l'exemple juste des guerres religieuses, l'homme, la femme, l'enfant, partout sur la planète Terre, et encore aujourd'hui, on peut prendre un autre niveau que la religion, mais au niveau religieux, l'être humain a passé son temps à s'entretuer pour ses dieux, à se battre pour des dieux, et l'être humain va sur les champs de bataille, va mourir, va envoyer ses enfants se battre, sa famille se battre, pour des dieux qu'il n'a jamais vus, pour des dieux qui ne l'exaucent jamais, pour des dieux qui ne l'écoutent jamais, pour des dieux que ses ancêtres n'ont jamais vus. Il va aller s'entretuer pour ces dieux-là. Il va perdre toute sa société pour ces dieux-là. Et il va continuer à se battre pour ces dieux-là. Les gens aujourd'hui vont prier, et ça ne donne jamais rien. Et qu'est-ce que les gens font? Moins ça fonctionne, plus les gens prient. On parle de stupidité humaine. Alors, si on étudie, par exemple, l'histoire humaine, on se rend compte que les guerres n'ont jamais mené à rien, sauf les guerres de défense. Mais une guerre de défense, c'est une guerre qui est obligatoire, qui est une guerre manipulée, c'est-à-dire que je t'attaque. Si tu ne te défends pas, je te tue, puis si tu te défends, ben, tu es en guerre. Et là, ça va faire dire aux stupides, il faut être deux pour faire la guerre. C'est évident, mais si tu ne te défends pas, il n'y aura pas de guerre. Il va y avoir ça peut mener de l'holocauste. L'être humain fait la guerre, et avec les guerres, l'être humain n'a jamais rien réglé. Rome, l'Italie, c'est tout petit. Ils ont fait la guerre combien de temps? La Perse, la Chine, la Mongolie, la France, L'Espagne, le Portugal, la majorité des pays ont fait la guerre sans arrêt pour conquérir. Et ce que l'histoire enseigne, c'est qu'à un moment donné, tu dois libérer tous tes territoires conquis parce qu'il y aura des indépendantistes qui vont à un moment donné t'y forcer, ou parce que tu n'auras plus la finance pour supporter des armées, pour maintenir les peuples conquis en état de conquis. Bref, tout ça ne sert à rien. Et malgré tout, Saddam Hussein, dernièrement, a décidé de refaire la même chose. Malgré les croisades, ben, il y a probablement qu'à un moment donné, le djihad islamique va vouloir refaire une croisade, une anti-croisade. Sans arrêt, c'est la même chose. On a partout sur la planète Terre des individus qui essaient, dans des factions révolutionnaires, de guérilleras à terroristes, de renverser les gouvernements. Ça s'est toujours fait, ça se fait encore. Personne ne se rend compte que ça ne mène à rien, que ça ne sert à rien. Et continuellement, l'humain, la stupidité humaine fait en sorte que l'humain réessaye sans arrêt les mêmes processus alors qu'il expérimente sans arrêt que ça ne fonctionne pas. Un individu qui achète des billets de loterie, par exemple, au hasard, est un être humain stupide. Pourquoi? Et quand je parle stupide, je ne parle pas de la valeur émotive du mot stupidité, je parle que l'être humain n'a pas la capacité de se servir de ce qu'il acquiert. Ça fait 200 ou 2000 $, 200 ou 2000 $ que tu mets à la loterie, tu ne gagnes jamais. Et à chaque fois que tu mets un billet, tu as une chance sur 14 millions de gagner, en espérant qu'il n'y a pas un imbécile qui va gagner en même temps que toi, parce que là, tu divises en deux ton prix. C'est le gros lot. Alors que l'humain devrait se dire, ça ne fonctionne pas au hasard, donc je ne suis pas un être, etc. Il pourrait réfléchir un peu, et là, il pourrait essayer d'étudier la loterie pour comprendre le processus même de la loterie, pour comprendre le cycle des chiffres. Oui, il pourrait au moins essayer d'avancer là-dedans ou abandonner. Mais l'être humain ne fera pas ça. L'être humain va continuer et à chaque fois qu'il achète un billet de loterie, il est aussi convaincu que la première fois, il y a 15 ans, qu'il va gagner ce coup-ci. Ou il est aussi déconvaincu qu'il fait quand même. Ce qu'il faut comprendre, on sait que l'humain est manipulé. La stupidité, c'est l'incapacité de se servir d'informations. Quand ça fait 20 fois que tu te saoules la gueule, que tu es malade comme un chien et que tu n'en reviens pas, ben démerde-toi pour ne plus te saouler la gueule. L'humain est manipulé. Mais l'humain devrait être capable de vivre une colère mentale lors de ses dernières soulages, lors de ses derniers soulages, pour à un moment donné être capable de conserver suffisamment d'énergie pour mettre fin à cela, pour exprimer, si ce n'est pas de volonté, du moins de manipulation vers l'intelligence. Mais la stupidité humaine fait que l'humain, sans arrêt, ne se sert pas de l'intelligence. Vous vous disputez, c'est stupide, vous le savez. Mais les humains vont continuer à se disputer encore de génération en génération en génération. Les choses n'ont pas l'air à changer parce que l'être humain, c'est un être stupide. Mais il y en a des humains qui comprennent à un moment donné. Il y en a qui, bon, il y en a plusieurs qui, bon, se font manipuler puis font des niaiseries. Mais à un moment donné, ils finissent par comprendre. Il y en a qui comprennent moins vite que d'autres, il y en a qui sont plus vite. Mais effectivement, il y en a qui comprennent moins vite. Il y en a qui vont mourir, qui n'ont jamais rien compris, mais il y en a d'autres qui comprennent, qui changent leur vie. Leur vie change, en tout cas, dans certaines... Je ne dis pas que l'être humain n'a pas le choix. L'être humain peut parvenir à ne plus être stupide, c'est d'ailleurs pourquoi on en parle. Mais la stupidité humaine doit être observée à l'intérieur de soi et à l'intérieur de l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'être conscient... L'être nouveau, l'être transitif, doit tout faire pour échapper à la stupidité humaine. Il doit interdire la stupidité humaine autour de lui. Il ne doit pas y prendre part. Et il doit évidemment se l'interdire à lui. On doit cesser d'être des êtres stupides. Bon, ça veut dire que, bon, t'enseignais à faire des colères mentales, là, finalement, pour avoir la paix pour un moment donné, une semaine, deux, un mois, ça fonctionne. Oui. Mais là, depuis, bon... dernière conférence que tu fais, là, c'est comme si tu vas aller plus loin que ça. Là. Ben, il faut plus loin que la colère mentale. La colère mentale, c'est un petit balayage, c'est dépoussiéré, je pense. Ça permet d'avoir un laps de temps de quelques heures à quelques jours. Ça permet des individus. Ça permet à certaines personnes de ne pas se suicider. Ça permet à certaines autres personnes de se libérer de maladies, d'alcoolisme, de ces choses-là. Ça permet à certaines personnes de faire des bons niveaux de la conscience. Puis il y a des individus qui n'ont pas appliqué convenablement la colère mentale ou encore l'ont appliqué et ils n'ont pas eu de résultat parce que soit que le résultat est absolument imperceptible. Comment je vois ça présentement, c'est la colère mentale, c'est pour ceux qui sont... qui acceptent encore la transition. Oui, oui, mais ceux qui acceptent qu'il y ait quelque chose au-dessus des autres, là, un Dieu, quelque chose de même. Là. Pas nécessairement, la colère mentale, c'est pas... Qui ne fait pas leur affaire, mais qui a encore l'autorité. Non, un être qui fait une colère mentale convenable sait qu'il y a des mécaniques qu'il manipule, mais il ne considère pas que ces mécaniques-là sont supérieures. Non, mais il ne considère pas consciemment, là, mais c'est qu'il autorise. Il autorise quelqu'un, quelque chose à venir, il tape dedans pareil. Ah, ben, ça dépend des individus. Dans ce que tu dis, tu as raison, mais dans ce que tu dis, tu as tort aussi, c'est que la colère mentale peut servir énormément des individus à venir placer les choses là où elles doivent être. Mais la colère mentale, c'est une prémisse à... C'est parce que ça fait ça comme ça. C'est... Exact. Pourquoi? Parce que l'être humain fait une colère mentale parce que ça, il va se reposer. C'est bon, ça permet ça. Mais l'être humain devrait faire une colère mentale pour pouvoir bouger. Une colère mentale pour pouvoir bouger. Une colère mentale. Mais c'est ça que je dis, c'est que, de ce que j'ai vu, les humains ne bougent pas. En tout cas, pas beaucoup. Ils veulent avoir la paix, puis un coup qu'ils l'ont, mais là, tout est réglé, ils pensent. C'est le problème de la colère mentale. Mais là, s'il faut aller plus loin que ça, il faut vraiment régler les affaires, pas tordre, pousser, il faut régler. Oui, mais le problème, vois-tu, c'est que la stupidité, la dissonance cognitive, les arnaqueurs, les hiérarchies, la manipulation, vont générer chez l'être humain la peur, l'indécision, la dissonance cognitive, et ça va générer chez l'humain aussi le retour au traditionnel, au rituel, pour éliminer la peur, ce qui va amener effectivement à la stupidité humaine. Si nous décidons, il faut observer les choses telles qu'elles sont. Bon, ce que je dis aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent être un peu dangereuses, en ce sens que l'individu qui veut appliquer sans comprendre va se casser le nez. Bon, mais, bon t'en parles, mais... Mais personne n'écoute. Non, mais personne n'agit pour tout de suite. Ouais, ça ne fait rien. Sachez, mais ça ne fait rien. La stupidité humaine... Non, moi. Non, mais c'est parce qu'on pourrait dire, on donnera le mode d'emploi à un moment donné, mais là, pour l'instant, oui, mais, ça prépare un terrain. J'ai dit souvent qu'un jour, quelque chose comme le village of Stop va exister. Bon, c'est dans l'avenir, ça descend lentement, c'est en train d'être atterri depuis des 20, 30, 40 ans. Les premiers qui ont essayé, qui ont eu l'information, se sont dit, on va le faire tout de suite. C'est pas le temps, ça va nécessairement planter. Et progressivement, l'idée s'est rapatriée vers le centre ressources qui est le Québec. Et là, il y a des individus qui ont essayé de l'appliquer, qui sont bâtis des communes. La dernière en date, la Cité écologique du Verseau, qui s'est fait ramasser à 100 000 $ par l'astralité et la stupidité humaine. Et il y a d'autres individus aujourd'hui qui veulent absolument faire ça et qui essaient de rencontrer des gens. Il y en a un dernièrement qui me disait, oh, on est une quarantaine. Le problème, c'est que les gens, il faut les traiter comme si c'était des bébés, tu comprends? C'est assez compliqué. Puis là, je disais, écoute, c'est des bébés, ils lâchaient, fais pas ça, c'est pas le temps. À un moment donné, tu sais, on a rencontré un bonhomme qui avait des règlements. Dans les règlements, il y avait un règlement qui interdit absolument de polluer le terrain. Là, je lui disais, écoute, s'il faut que tu mettes des règlements de même, c'est que t'as pas les bonnes personnes avec toi. Bon, il y avait une bâtisse qui devait bâtir, et là-dedans, il y a une bibliothèque qui est strictement réservée aux adultes, c'est-à-dire en haut de 18 ans, tu peux rentrer dedans, parce que les adultes ne veulent pas te déranger quand ils vont les lire. Puis là, on lui dit, écoute, si un enfant ne dérange pas, il n'y a pas de problème, c'est pas une question d'âge. Les gens veulent atterrir des choses, et c'est le problème de l'information. Je vais donner de l'information, on prend de l'information, au lieu de considérer que c'est de l'information, que c'est de l'utopisation, donc que c'est là pour te nourrir, mais c'est pas le temps de le faire. Ben, les gens, même s'ils n'ont pas le mode d'emploi, vont décider qu'ils ont le mode d'emploi et vont vouloir le faire. Et là, il y a des personnes à travers cela, des séminaristes, qui sont rendus seuls, qui veulent quand même le faire, le village sur ça. Il y a des gros problèmes, c'est pas du monde épais. Ils ont des bonnes intentions. Ah, ils ont des bonnes intentions, certains, ils vont aller rejoindre ceux qui ont des bonnes intentions, qui se ramassent en enfer. Que l'humain doit faire? Mais t'as donné cet avertissement-là, c'est comme moi ce que je dis, c'est que c'est ça, là. Tu dis quelque chose, puis présentement, après ça, appliquez-le pas de suite. Quand ce sera le temps de l'appliquer, je ferai un séminaire, par exemple, où je dirai, allez-y, c'est le temps. Oui, il y aura un séminaire. Que tu vas avoir, que là, les gens ne manqueront pas leur coup. Oui, sauf que là, on va recommencer avec les individus qui vont venir me dire, écoute, Daniel, non, mais c'est pas tout le monde qui va pourquoi tu traînes comme ça? Pourquoi tu prends tant ton temps? Pourquoi tu ralentis les choses? Pif, pif, c'est pas le temps. Bon, j'ai rencontré un personnage dernièrement qui me dit qu'il va à lui pour absolument me sauver, pour absolument m'aider. Il voulait absolument que je m'ouvre à lui et que je me libère. Là, je lui ai dit, je peux pas te parler, si je te parle, tu vas souffrir comme tu n'as jamais souffert. Là, il me dit, pourquoi tu as peur de moi? Parce que je vais te tuer. Bon, ben là, j'ai dit salut, là, il m'a dit adieu, c'est en aller. Bon, il y a des individus qui... La stupidité humaine, ben c'est stupide. Alors, nécessairement, pour avancer, on doit s'attendre à détruire. On est sur une planète qui nécessite cela. Ça veut dire qu'on est du bon monde. Vous êtes tous du bon monde. Vous ne voulez pas la souffrance de qui que ce soit, uniquement par intelligence, parce que c'est stupide. Bon, c'est mieux souffrir qu'il souffre, mais vous ne voulez pas qu'il souffre. La majorité, vous en êtes détachés, puis quelques-uns en sont spirituellement attachés, ils veulent pas qu'ils souffrent. Bon. Sauf que le gros problème, c'est que pour avancer, nécessairement, il faut faire une trace dans le sable, avec le pied. Mais si on ne veut pas déranger le sable, on ne peut plus avancer. Et parce qu'on est des gens qui, du point de vue de l'esthétisme, aimerions que les choses ne rien déranger, puis aller faire ce qu'on a à faire, puis qu'on nous laisse la paix aussi, bien nécessairement, on peut se faire récupérer en maudit par les traces qu'on va laisser. Si on met le pied dans le sable, parce qu'on s'en va chercher un hot dog, vous n'entendrez jamais le sable crier. Mais si vous mettez le pied dans le sable pour avancer, vous allez entendre le sable gémir, se plaindre, crier, il va saigner, il va éclater, puis là, ça va tout faire en sorte pour que vous n'avanciez plus. Et là, on va commencer à s'asseoir, puis là, on va chercher des chemins pour éviter que le sable souffre. Alors que si on va se droguer, il ne souffre pas. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Quand tu fais ce qu'il ne faut pas, tout le monde est heureux. Puis quand tu fais ce qu'il faut que tu fasses, tout le monde est malheureux. Puis quand tu fais ce qu'il ne faut pas, ben toi, tu es malheureux. Puis quand tu fais ce qu'il faut faire, on s'arrange pour que tu le sois aussi. Mais moi, ce que je me dis là-dedans, c'est que ils ne veulent rien comprendre, mais on va fonctionner comme ils veulent. Parce que il y en a qui souffrent pour comprendre. C'est pas vrai. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas nécessaires qui souffrent pour comprendre. Ah, bien, ceux-là comprennent. Mais tous les autres, il faut qu'ils souffrent. Mais ils comprennent, les autres, ils ne sont pas dans la gang. Non, je te dis, c'est qu'il n'y en a pas quelques-uns qui font qu'ils souffrent. Il y en a quelques-uns qui ne font pas qu'ils souffrent. OK. Bon, bien, c'est ça. Ben, on va dire, sauf exception, l'humain, il doit souffrir. Oui. Je vois des affaires, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Quelqu'un endure ça. Puis, mais c'est ça. Ça leur prend des claques sur la gueule. Il faut qu'ils mangent des bonnes volées. Sauf que l'idée. Puis psychologique, physique, n'importe comment, mais il faut qu'il souffre. Absolument. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'humain se casse la tête pour inventer tant de souffrance. Mais on souffre nous-mêmes, les gens, même ici, les gens souffrent, les gens qui écoutent et qui ne sont pas là souffrent aussi. Et sans arrêt, on va souffrir, ou bien parce qu'on ne veut pas déranger, ou bien parce qu'on se dérange ou on se laisse déranger. Mais à un moment donné, ce qu'il faut que l'humain fasse, il faut que l'humain se sorte de toute cette mécanique-là. Il faut que l'humain mette fin totalement à la grande roue. La roue, c'est un cycle, c'est une bébite qui tourne, et qui sans cesse vous permet de monter. Quand vous êtes en haut, là, ça descend, puis vous allez descendre. Tout ce qu'il y a, c'est que vous avez vu un peu ce que vous manquez. Maintenant, vous allez aller pouvoir le brouter pendant longtemps. Ça ressemble un peu au cycle de l'hiver. On a un été qui dure 2 mois, 3 mois, mais on a un automne souvent qui est laid. Fait qu'on ne se rend pas compte que l'été, que c'est d'été. C'est plutôt comme l'hiver. On a un printemps qui est très long. Alors qu'en réalité, on a 3 mois d'hiver, on pense qu'on en a 9. Ça va déprimer, maintenant. Mais t'as eu 3 mois d'hiver. La neige, on n'en a pas à peste, puis le froid non plus, mais c'est tellement bizarre qu'on ne sait plus. Peut-être 6 mois d'hiver d'abord, mais on n'est même plus sûr. Ça va en tout, c'est 9 mois. C'est un peu pour la même chose pour la grande roue. La grande roue, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vous amène toujours. Au mois d'avril, par exemple, vous percevez que là, enfin, là, il va se passer quelque chose. Sauf que, quand vous êtes rendu au mois d'avril et que vous percevez qu'il va se passer quelque chose, en réalité, vous auriez dû savoir ça il y a 2 mois pour vous préparer, parce que c'est dans le mois d'avril que ça se passe. Et quand là, vous êtes en train de vous préparer, au mois d'avril, avril, mai, mars, avril, mai, juin, etc., un peu après le mois d'avril, là, vous êtes prêt, mais c'est passé. Fait que là, vous redescendez. Là, on vous noie dans un an de temps, et on vous ramène à un moment donné. Puis là, le temps que vous commencez à bouger un peu, là, c'est déjà trop tard, il ne faut plus qu'on bouge avant. L'humain doit arrêter la roue, la bloquer complètement. Pour bloquer la roue, il faut absolument refuser. Puis refuser, c'est une question de volonté. L'humain a de la capacité d'appliquer de la volonté si l'humain est relié à son intelligence. Refuser, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas. Ça veut dire qu'on ne veut pas le faire. Les mots, c'est une nuance. Parce que l'humain veut le faire parce qu'il le fait. Refuser la dissonance cognitive. Pour refuser la dissonance cognitive, ça veut dire qu'il faut absolument éviter à tout prix d'être un pied sur le quai, un pied sur le bateau, ce que l'humain vit sans arrêt. L'humain est toujours pogné à devoir prendre une décision. Et ça prend toute notre énergie. On doit couper ça tout de suite. Et la vie de l'homme, évidemment, il faut accepter de changer de cap en s'en allant, mais la vie de l'homme devrait être utilisée à 100% uniquement à bloquer la roue. Puis là, l'être humain qui dit « oui, mais on ne sait pas où ça va mener ». D'accord, mais la roue, vous ne savez pas plus où ça va mener. En attendant, ça mène toujours dans de la souffrance. C'est la même chose que ça fait partie de faire la grève, ce que tu disais même chose. Déjà. Même chose. Sauf que c'est... Ben, on va prendre l'exemple de grève. Il y a des personnes ici qui se décident sans arrêt. Il y a des personnes ici qui sont hautement stupides. Et ces personnes-là ont de l'intelligence. Une personne qui a de l'intelligence ne s'en sert pas, plus elle a de l'intelligence, plus elle est stupide. C'est évident. Elle applique tout croche. Quand on parle de faire la grève, ça voudrait dire que, disons qu'on est, des syndiqués, des syndicalistes, vous êtes des personnes, on veut vous vendre le syndicat, et on accepte finalement plus ou moins d'embarquer dans le syndicat. Là, on dit on fait la grève parce qu'il faut cesser de se faire martyriser par les patrons, par la police qui est à la solde des patrons, etc. Si la moitié disent oui, la moitié disent non, il faut que tout le monde continue à se faire martyriser. Parce que sans ça, ceux qui disent non vont se faire martyriser, puis ceux qui disent oui vont tout se faire tuer. Et là, le problème, ce qui va arriver, c'est que si on décide à 90% de dire oui, il faut éliminer le 10% qui reste. Mais dans les sociétés traditionnelles, on va essayer de les convaincre, de les forcer, on essaie de les éliminer. Parce qu'on se rend bien compte qu'ils deviennent un problème. Mais dans une vision intelligente, tu ne peux pas éliminer des individus. Pourquoi? Parce que si tu les élimines, tu peux juste nourrir le monde astral pour aller massacrer les plus faibles des 90% qui ont dit oui. Donc ça ne fonctionne pas plus. Parce qu'à un moment donné, lentement, on doit toujours éliminer du monde. Je te donne un exemple. On forme un groupe ensemble, on décide de se créer une alliance de vie, ce qui veut dire que chaque fois que quelqu'un va mal, les autres ont l'autorité de lui dire. Mais là, à un moment donné, parmi le groupe ici, il y a toujours une personne qui ne comprend rien. Qu'est-ce qu'on décide? On la met en dehors du groupe ou on passe toujours nos semaines à mettre notre énergie pour l'amener à comprendre? Mais elle ne comprend rien. C'est le chaînon faible du groupe. Elle s'est toujours tapée dedans. Alors on décide à un moment donné, ben on va la mettre dehors du groupe, comme ça on va régler le problème. Là, ce qui va arriver, c'est que la matrice qui essaie d'empêcher le groupe de fonctionner va maintenant lâcher celle qu'on a mis dehors et venir chercher la plus faible dans le groupe maintenant. Et parce que nous, chaque fois que ça va mal, on en met un dehors, bien, le groupe de 100 va se ramasser à 4 à un moment donné, après 2 ans. Donc, on va se faire avoir à l'os. Mais là, si on dit on va garder l'individu de bord, on n'est pas pour le mettre dehors. Oui, mais à toutes les semaines, on doit s'arranger pour nous dire, ben oui, mais ça aide à chialer, ça aide à se plaindre, ça aide à parler comme le monde. On n'avance pas plus. Nos énergies sont toujours canalisées vers l'individu. Fait que la conclusion, c'est que c'était pas le temps. La conclusion à travers la récupération, faire face à une dissonance cognitive, c'est pas le temps. Mais moi, si je suis dans un groupe, c'est le temps. Et si ça ne fonctionne pas, il faut qu'il se passe de quoi? Parce que si tu sais quoi le problème, ça revient encore, ça a même affaire que les religions. Mais c'est 1 sur 5 qui ne comprend pas. Fait que là, on essaye de lever le cerveau pour qu'il pense comme nous autres. Comme c'est dans l'intelligence, nous, il n'avra jamais le cerveau. Non, mais c'est la même affaire pareil. Oui, oui, non. Dans la religion, en 3 semaines, il va avoir réglé le gars. Oui. Et avec nous autres, en 30 ans, on n'aura rien réglé parce qu'on le respecte suffisamment pour jamais il avait le cerveau. Non, mais on ne se respecte pas. Ben, ce qui arrive, il se fait toujours ramasser parce que nous, on n'embarque jamais dans son corps. Là, c'est ça qui m'écœure, moi, là. Ben, c'est ça. C'est que on est obligé d'endurer... Tu as rentré dans ton cadre, d'abord. Le cadre. Ben oui, t'es un chaînon faible. Tu comprends pas? Non, je sais que tu comprends pas. T'es un chaînon faible. Non, t'es une farce. Tu veux régler le faible, et peut-être t'es le faible. Il y a des gens qui sont là en train de chialer contre les faibles, là, mais c'est eux autres les problèmes. C'est pas ton cas, ça me parle. Mais c'est quand même ça. Il y a des gens ici qui sont pressés. Ces personnes-là sont les plus grands freins. Puis elles aimeraient régler un tel, puis un tel là-bas, puis un autre là-bas, puis un autre là-bas. Il faudra aller boucher. Oui, mais habituellement, si dans un groupe, là, il y en a qui vont lui dire, « Hey, réveille, c'est toi. » Ouais. Ça se réveille un peu plus? Bon, ben c'est ça, ben puis les autres se réveillent. Oui, puis il se passe quoi? Mais là, ce groupe-là, je ne veux pas être là-dedans, moi. Parce que... C'est une autre théorie. Au lieu de mettre la personne dehors, on met le groupe dehors. Fait qu'elle, on ne met pas dehors, reste dans le groupe. Nous autres, les 99, on s'en va. C'est effectivement une autre façon de fonctionner. Quand t'es seul à avoir le pas... Dans l'intelligence, le gros problème, c'est que l'astralité s'arrange pour que chaque individu finisse par être convaincu qu'il est le seul à avoir le pas. Ça fait en sorte qu'il y a un éparpillement des corps physiques reliés à l'intelligence. Dans notre cas, nous, c'est unique dans l'histoire planétaire, c'est unique encore sur la planète Terre, c'est qu'il y a un groupement d'individus intelligents. C'est évident qu'il y a des matrices astrales qui viennent taper dedans, mais il y a un groupement d'intelligence. Ce qui peut amener, ce qui développe un noyau d'écœurement assez puissant. Ce qu'il faut que l'humain fasse, c'est que l'humain s'arrange pour prendre un chemin. J'en ai parlé souvent il y a quelques années, faire le choix de l'homme nouveau. Mais l'humain n'a pas fait de choix encore, parce que l'humain est restreint à travers les dissonances cognitives. C'est évident qu'énergétiquement, le choix est fait depuis longtemps, vous n'avez même pas à faire le choix, c'est réglé. Sauf que l'humain vit toujours comme s'il n'avait pas fait le choix, alors que le choix est fait. Ce qui engendre une dissonance cognitive majeure, parce que tu es réglé et tu agis en pas réglé, et tu es toujours mal pris. L'humain doit développer... Il y a tout un processus qui est pénible. Un, l'humain doit s'arranger pour créer une forme plus ou moins martiale à travers sa structure évolutive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain doit imposer au monde astral la seule voie mentale que l'astral respecte, celle d'une hiérarchie de commandement militaire, martiale. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, dans la famille, on veut mettre de l'ordre, pour le régler à jamais, on doit s'arranger pour, évidemment, il faut que tout le monde soit d'accord, on doit s'arranger pour établir une structure martiale dans la famille. Il ne faut pas que tout le monde soit égal. Il faut que tout le monde soit inégal. Mais il faut que tout le monde soit égaux. Non, mais disons, il faut que tout le monde soit égaux. Dans le sens égaux ou dans le sens égal? Oh, ben présentement, les deux. Oui, c'est ça. Pourquoi il faut une hiérarchie quasi-militaire? C'est simple, c'est parce qu'il faut absolument qu'on puisse, dans l'ensemble d'un groupe, mettre fin aux stratégies astrales. Donc, si je décide que toi, tu es l'amiral, ben moi, je suis en dessous, ça veut dire que j'écoute ce que tu dis sans me poser de questions. Maintenant, évidemment, l'humain va dire, oui, mais c'est lui qui se fait charrier. Ça ne change rien. Tu peux placer une structure où tous ceux qui sont en bas, comme ça existe dans les systèmes militaires, où les généraux inférieurs peuvent, à un moment donné, se rencontrer. Puis s'ils considèrent que le général en haut n'a pas d'allure, ils peuvent, sans que ce soit une mutinerie, décider de ne plus l'écouter. Mais il faut avoir un vote de 80 ou 90% de la hiérarchie inférieure. Parce qu'il peut arriver qu'on va démettre de ses fonctions quelqu'un qui est en haut parce qu'il n'est plus capable d'être en haut. Alors, dans la famille, on a la même chose. À un moment donné, tous les individus se rendent compte que ça n'a plus d'allure, on lâche. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une question de religion, c'est une question de mental. Il faut finir par accepter de dire, écoute, moi, je me fais charrier à 100 000 à l'heure tout le temps, je n'ai aucune discipline, je te donne ma discipline. Alors, que tu aies un gros ego ou pas, dans certains cas, c'est mieux de mettre un gars qui a un gros ego, une fille qui a un gros ego, comme ça, on va se prendre au sérieux, puis on va te dominer ça comme vous. Toi, ça te permet de devoir pratiquer l'obéissance. Et pratiquer l'obéissance, ça fait quoi? Ça fait que tu forges ton ego et ton astralité à l'obéissance. À un moment donné, quand ça va être le temps, toi, tu vas prendre le contrôle de ton corps physique, puis l'autre va t'habituer de t'obéir, tu n'auras plus autant de problèmes que tu en as aujourd'hui. Mais dans une structure, il faut s'arranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain doit former un groupe synergétique où on va décider des choses. On décide, par exemple, que toi, tu fais la vaisselle, que lui lave le plancher, que lui fait ceci, que lui fait cela. Si tous les individus font ce qui a été dit, ça devient une force comme on en voit rarement sur la planète Terre. Ça va battre tout ce qui existe au niveau astral. Le mot du problème, et d'ailleurs les communes, ça a été l'idée. Le gouvernement a tenté pendant des années de rendre potable, viable, commercialement, des territoires en Écosse. Ça n'a jamais rien donné. Ils ont abandonné. À un moment donné, il y a un bonhomme qui pointe là, il aimerait avoir un territoire gratuit donné par le gouvernement, puis on va lui donner le territoire de Finorme. Le gars, il se remonte là avec un paquet d'illuminés. Et ils vont former une commune. Quelques années après, le gouvernement exige le retour de cette terre-là. C'est une erreur bureaucratique. Cette terre-là ne devait pas être donnée. Pourquoi? C'est une des terres les plus cultivables qu'on a présentement en Écosse. Les individus sont arrivés là parce qu'ils avaient un maître, un espèce de gourou, et qu'ils étaient aveuglément dans son chemin. Ils faisaient tout ce qu'ils disaient. Et parce que les individus, ça devient une hiérarchie quasi-militaire, c'est-à-dire qu'il y en a un qui donne des ordres, les gens en dessous n'ont pas à réfléchir et exécutent, bien nécessairement, même si c'est impossible, tout devient possible. Dans une structure spirituelle, le gros problème, c'est que, et les spiritualités, d'ailleurs les religions, les sectes, prenons l'exemple des Quakers, ou l'exemple des Témoins de Jéhovah ou des Mormons, ce sont des organismes riches. Les Quakers, ils sont sur une terre, et ils refusent tout ce qui est moderne. Évidemment, il y a une dissonance cognitive majeure parce qu'ils se promènent en calèche. Mais la calèche, c'est le modernisme total d'une époque. Bon, en tout cas. mais pas de radio, pas de ci, pas de ça. Ils doivent s'habiller modeste. Ça veut dire un peu court, modeste. Mal. Bon. Puis quand c'est vraiment modeste, là, c'est modeste en maudit. Les souliers troués, etc., les modestes. Il faut que tu sois modeste. Si une maison passe au feu dans un territoire Quaker, ben, tous les autres vont prendre de leur argent, leurs planches, leurs clous, leurs bois, tout, pour aller rebâtir la cabane. Il se passe que jamais il y aura de pauvreté là. Pourquoi? Parce que le malheur de un a été absorbé par le bonheur de tout le monde. Alors on va là, ça donne une occasion de se raffermir, etc. Un groupe d'individus qui décident de passer, passe toujours. Mais il faut qu'il n'y ait aucune dissension. Exact. Il faut que ce soit quasi militaire. Il faut que ça passe, militaire ou religieux, c'est la même chose. Maintenant, quand on fait affaire avec des gens qui sont investis d'intelligence, ces gens-là ont des hoquets, des soubresauts de conscience. Manipulation, tu descends en bas. Et là, tu te dis, « Ah, je ne vais pas te manipuler, moi! » C'est ça la stupidité. Là, tu n'es pas capable de te servir de ce que tu viens de voir quand tu redescends dans le trou. Alors, tu as des petits hoquets comme ça. Tu vois, tu redescends. Là, tu te promènes là-dedans, puis là, tu chiales, tu ne veux plus. Le gros, la grosse faiblesse, le gros défaut des gens intelligents, c'est le manque de capacité de s'unir. Dans les religions, ils n'ont pas d'intelligence, donc ils sont manipulés, puis à un moment donné, la matrice finit par s'effriter. Ils ont rompu des choses. Mais ce qu'ils voulaient faire, ça n'arrive pas tout à fait comme ils voulaient, puis à un moment donné, ça tombe, on repart ailleurs, mais ils font. Les Japonais ont réussi à partir d'un pays totalement détruit après la Deuxième Guerre mondiale à être la première puissance en électronique, en cinéma, parce qu'ils achètent, pas parce qu'ils produisent, ça c'est pas génial, au niveau monétaire, etc. Pourquoi? Parce que toute la structure d'affaires était une structure militaire, une structure à shogunat. Tu travailles pour l'entreprise, tu penses à l'entreprise, tu rêves à l'entreprise, tu pètes dans l'entreprise, tu fais tout pour l'entreprise, et puis l'entreprise, elle fait de l'argent. Ben, il y a au moins quelqu'un qui ça fonctionne. Bon, le bonheur est exclu, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. L'être qui se supramentalise doit, et j'en ai parlé souvent, mais les individus ont toujours de la difficulté à en comprendre le principe, les individus doivent s'arranger pour créer des alliances, donc s'allier, et dans l'alliance, il doit absolument y avoir uniquement un travail fait dans la même direction. Si nous nous retrouvons sur un bateau qui s'appelle le plan d'intelligence supramentale, il y a les vents astraux qui vont, ça vente, ça change, ça s'en va par-ci par-là. C'est évident qu'à un moment donné, on peut faire une étude des vents astraux et établir des cartes de route pour connaître les vents astraux, connaître les saisons, connaître les dates, etc., des cartes pilotes. Bon, une fois que cela est fait, on doit s'arranger, nous, le monde, sur le même foutu bateau, pour décider de former un groupe, de former un équipage, parce que sans ça, ça ne sert à rien. Oui, mais moi, c'est mon fox, ça, ici, là, c'est ma voile. C'est ma trinquette, c'est moi qui l'ai faite, puis personne n'y touche. Le grand voile, c'est à moi, puis le perroquet, c'est à moi, puis bon, c'est intéressant. Toi, tu places la grand voile vent arrière, tu places le fox vent de travers, puis chacun fait sa façon, sa créativité. Le bateau, là, il s'en va de même, puis il s'en va, puis le vent tourne, puis il n'y a rien à faire. Puis il y a le pilote qui est là, qui dit, « Allez pas là, on va à l'ouragan. » Puis là, chacun se dit, « Ben voyons donc, il fait beau. » Oui, tu regardes d'où tu viens, connard, moi je te dis que là-bas va y avoir une autre. C'est la chicane et c'est le bordel. Tout ça au nom de sa créativité, tout ça au nom du fait que je ne vais pas être manipulé. Puis le bateau avance nulle part, ou à un moment donné, il se ramasse dans les amanchures pour finir. Faut que les individus finissent par se dire qu'effectivement, je vais mettre ma grand voile, ma trinquette, mon phoque, mon perroquet, ma voile d'artimon, je vais mettre ma voile au service du bateau. Mais là, l'être humain qui fait ça, et automatiquement, il fait un petit OK. Là, il voit comment les spirituels sont manipulés. Quand il redescend, il a peur d'être pogné pareil. Ben, c'est tout pareil, sauf qu'il y a une nuance. Tu coupes le bois au nom de Dieu, tu le coupes au nom de ton patron, tu le coupes pour te chauffer, mais tu coupes du bois pareil. Celui qui te regarde, il va dire, gagne d'insectes. Mais c'est ça. Moi, pas d'insectes, je gèle, je me coupe du bois pour me chauffer. Alors, les moments font pareil, j'ai rien contre. Et là, parce que l'humain arrive à la conscience, il ne veut pas ressembler à un mormon. Il est plus pogné par la forme que ceux qui sont dans la forme. Il ne veut pas ressembler à... C'est plus important pour lui d'être tout nu que de ressembler à celui qui est dans la religion, qui est habillé et qui est confortable. Il ne veut pas ressembler à... Et je dis souvent qu'entre le fou et celui qui sait, la petite ligne est ténue. Pas grosse. Entre celui qui est dans la religion puis celui qui ne l'est pas dedans, il y en a un qui prie, il y en a un qui parle, et que ça a l'air pareil. Bien, différent à cause de la conscience. C'est intelligent qu'il y ait des alliances, ça divise le travail, puis ça multiplie les résultats. Sauf que l'humain se dit toujours, « Ah, ben moi, j'ai fait ça, là. Ah, ben c'est lui là-bas qui ramasse. » C'est faux. C'est bien évident qu'à un moment donné, la voile, le foc en avant puis la trinquette vont dévier le vent dans le grand voile. La grand voile semble ramasser bien plus. C'est tout le bateau qui avance. À un moment donné, il y a une personne, il y a un individu, lui, tout ce qu'il a fait, c'est un mouchoir. Bon, là, quand il met au vent, il accroche sur une drisse, là, on vient lui dire, « Au-dessus de là, tu dévis le vent. Hein, tu déranges. » Alors, c'est ça. Moi, je dérange toujours, moi. Quand on aura la grippe, ça va servir. On peut se moucher dedans. En attendant, t'as pas besoin d'être dans les corridors des vents. Bon, sur le bateau. Quand on parle de structure militaire, je dis bien quasi-militaire, martiale, c'est au-delà de ça. On a religieux, on a militaire, puis on doit avoir quelque chose d'autre. Bon, quand je parle d'un peu mieux, ça veut dire que les gens doivent sciemment comprendre l'intelligence de te reposer. C'est aussi utile que n'importe qui, on n'a pas besoin de toi pour l'instant. Ah non, mais là, les égos, la stupidité humaine, le ci, le ça, moi, mais il me semble que je ne sers à rien, il me semble que si... Et de temps en temps, je dis aux gens, si tu es dans un groupe d'intelligents, ceux qui t'entourent, qui sont intelligents ou cons, ah, sont bien intelligents. Mais s'ils sont intelligents, pourquoi ils te gardent si tu ne l'es pas? C'est parce que tu l'es, tarte. Et avant qu'on te fasse cuire puis qu'on te mange, il faudrait que tu te réveilles. L'être humain doit comprendre qu'il doit s'associer, qu'il doit s'allier. Quand je dis que pour mettre fin à la grande roue, ce qui doit être fait peut être dangereux à dire, c'est que l'être humain doit regarder sa vie, tout arrêter, intelligemment, mais intelligemment, ça laisse déjà nuance. T'arrêtes rien ou t'arrêtes tout stupidement. L'être humain doit arrêter la roue, s'asseoir, puis là, décider dans quel sens il veut maintenant qu'elle tourne. Seul, il ne pourra rien faire. On est dans un contexte politique planétaire. Bon, on a toute une gang qui nous écoute. Donc, seul, il ne peut rien faire. Même s'il veut le faire, il va travailler toute sa vie pour absolument rien. Ou il va se compter des menteries en pensant qu'il est seul. Il va avoir 200-300 employés qui travaillent pour lui. Il n'est toujours pas tout seul. L'être humain doit arrêter la roue, regarder à quel sens il veut l'enligner. Puis après ça, il se crée des alliances là-dedans. Puis après ça, il travaille uniquement pour la faire tourner dans ce sens-là. Quand vous poussez une automobile qui est arrêtée, ça demande beaucoup plus de force que de la pousser une fois qu'elle commence à bouger. Parce qu'il y a l'inertie. L'inertie existe dans l'astral, donc avant d'être capable d'être sur l'élan, ça va demander beaucoup plus d'énergie. Parce que même astralement, on ne veut pas se lancer. L'inertie existe monétairement. Avant que l'argent commence à rentrer, ça prend un maudit bout de temps, il faut quand même mettre de l'énergie un petit peu. L'inertie existe matériellement. Financièrement, c'est énergético-matériellement. L'inertie existe intelligemment, elle existe mentalement, elle existe partout. Donc, au début, c'est évident que les individus devront donner plus que ce qu'ils vont recevoir pour être capables de lancer l'affaire. Mais à un moment donné, quand l'affaire va commencer à fonctionner, elle va fonctionner toute seule par synergie. C'est ce qui existe au niveau de l'astral. Les synergies astrales existent et les individus vont avoir décidé. Mais au début, évidemment, le chemin ne sera pas fait, il va y avoir des roches, la roue ne sera pas adaptée, etc. On va mettre du caoutchouc, on s'organise lentement. Parce qu'on pousse un auto qui bouge. Même chose. Le problème, c'est que tu commences à avancer. Disons qu'on décide de traverser la forêt. Et là, tout le monde décide, OK, on la traverse. Parce qu'ici, là, c'est plein de marécages, de sable mouvant, d'ennemis, de prédateurs, d'un paquet de conneries. Alors, on a un petit groupe, on décide de traverser la forêt et s'en aller. Qu'est-ce qu'il y a l'autre bord? On ne sait pas, mais sacrableux, là, ça n'a rien à voir. On reviendra au pire. Mais on décide qu'on s'en va. Là, tu pars dans le bois. Là, il y en a un, évidemment, qui va dire, écoutez, moi, il me semble que c'est par là. Puis il y en a 4-5 qui disent, oui, c'est par là. Puis il y en a un qui connaît un peu le bois parce que c'est déjà aventuré, mais il est revenu. On le suit. Et là, le problème de la stupidité humaine, c'est qu'après 3 jours de marche, il y en a un qui va décider que le gars qui dit qu'il connaît le bois, il nous avait dit qu'on arriverait dans 3 jours. Fait que là, il va commencer à créer la dissonance à travers le groupe. Ah oh, ouais, mais là, c'est une niaiserie. T'as voulu partir. Mais lâche l'autre. On doit tous être individuellement responsables de la réussite. Pas dire... C'est ça, on va dire, écoute, si on va te suivre. Oh, moi, je veux, c'est ça. T'es un coach, des estrades. Il connaît mieux que ceux qui sont en bas, là. Mais lui, il ne fera jamais rien de sa vie. Ce genre de monde-là devrait être ramené, laissé là. Mais regarde le faire. Ils vont tuer la distance en arrière, puis ils vont te trouver chien de ne pas les laisser là, puis si tu les amènes, ils vont te trouver chien de les avoir ramenés. La stupidité humaine. Puis si on continue à avancer, 4-5 jours après, ben là, il y en a 2-3 qui décident que les autres, ils n'avancent plus. Le fini, ils n'avancent plus. Non seulement tu ne les ramèneras pas, non seulement ils n'avanceront plus, mais les autres, tu finis. Là, tu continues à avancer après un laps de temps, puis il y en a 4, 5, 6, 7, 15, 20. Là, tu décides que si moi, c'est pas là qu'on va, c'est là qu'on va. Ça commence à se défaire. Puis là, à un moment donné, ben, 200-300 ans après, quand on retrouve les vestiges de ce groupe-là, il y a une tribu de papou là-bas, puis une tribu là-bas, puis les affaires là-bas. Ils ont tous plus ou moins réussi, ils ont tous plus ou moins manqué leur coup. Quel que soit le chemin qu'ils auraient pris, il aurait fallu qu'ils le prennent ensemble. C'est juste ça qui aurait garanti le résultat. N'importe où, mais ensemble. Ce qui va faire en sorte que quand une société vient s'établir, les Français ici, la France envoyait des criminels ici. Les Britanniques envoyaient des soldats. Si tu envoies 300-400 personnes, puis là, tu en envoies 300-400 000, bien, c'est évident qu'ils vont mieux réussir. C'est une question de potentiel d'énergie, donc une question de groupe, une question de volume. Un individu brillant qui vient s'associer à un groupe multiplie par 10, 15, 20 la puissance du groupe. Donc, un individu qui s'éloigne diminue la puissance du groupe. Mais à cause de la stupidité humaine, parce que l'individu accepte inconsciemment d'être le maillon faible de la chaîne, on l'attaque. Et cet individu-là doit s'arranger pour éviter de déranger. À l'instant où vous cessez de déranger une synergie, on vous lâche. Parce que vous n'êtes pas la bonne cible. Vous allez en chercher un autre. Mais tant que vous êtes dedans, vous êtes dedans, vous êtes dedans, vous êtes dedans, vous êtes dedans. À travers les séminaristes, il y en a un maudit paquet qui dérange énormément. On ne peut pas les mettre dehors. Pourquoi? Parce que, premièrement, ils ne sont pas dedans. C'est déjà un problème. Il faudrait au moins qu'on leur donne une carte de membre. Mais le gros problème, c'est que ces individus-là ont de l'intelligence. Quand tu les mets dehors, ils deviennent carrément intelligents. Quand tu les rentres dedans, ils deviennent stupides. Puis si tu les laisses dehors, ils sont intelligents, ils ne peuvent rien faire. Quand tu les rentres dedans, ils deviennent stupides. Puis ça, il faut que l'individu, que l'humain finisse par décider d'arrêter la grande roue. Il y en a parmi vous ici qui se plaignaient et chialaient depuis 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 ans. Mais vous n'avez jamais rien changé à vos vies. Oh, des petites tapettes de temps en temps. Essayez une petite affaire, essayez une petite de belle, essayez une petite de belle, essayez une petite de belle. Chaque fois que c'est le temps de bouger réellement, alors je connais la dissonance cognitive en l'air, je sais. Je connais une personne, moi, qui est supposée déménager à Montréal depuis au moins 7 ans. Elle ne te voit pas là. J'en connais une autre qui devait faire ça depuis à peu près 10 ans. Elle ne te voit pas là. Le bonheur à Montréal, l'argent à Montréal, la paix à Montréal, puis des amis à Montréal. Même là. Non! Jamais. Et la stupidité. Puis quand je dis que ces personnages-là sont stupides, ils sont stupides. Ils sont investis d'intelligence. Moi, quand je fais des choses stupides, je suis stupide. C'est pas une valeur émotive. La stupidité humaine, on doit nous la voir au-delà de la valeur émotive. On est un groupe de brillants catapultés sur une planète de stupides, puis on agit comme des stupides. À un moment donné, on doit s'allier, s'unir, puis décider à quoi on veut, comment on veut s'en sortir. On connaît les mécaniques de la planète. Bon, tout à l'heure, je parlais de colère mentale qui pouvait régler les affaires. Parce que, est-ce qu'il y a au-delà de la colère mentale? Puis, est-ce que c'est tout le monde individuellement qui vont devoir faire un travail au-delà de la colère mentale? Ou c'est, par exemple, là, ce que je peux voir, moi, à l'intérieur d'un groupe, quelques personnes vont faire un travail plus haut énergétiquement. Oui. Et puis, mais supporté par ceux d'en bas. C'est ça le problème, c'est que les gens qui devraient faire des colères mentales ou des colères royales au niveau des structures astrales, ces gens-là doivent ne pas perdre leur énergie, leur temps, sans arrêt à faire des colères mentales pour placer les canaux de ceux qui sont en bas. Mais énergétiquement, les individus ont besoin d'une pyramide pour les supporter énergétiquement, et quand ils montent en haut, quand ils vont parvenir, quand ils vont réussir à traverser, les individus vont pouvoir traverser en bénéficier. Mais c'est bien évident que les premiers qui sont en haut qui vont traverser vont être les premiers à bénéficier. Et là, immédiatement, en bas, ça dit hey, « il va peut-être réussir, je vais en haut, bang! » Après ça, ils disent « Regarde, toi, il n'a pas plus réussi. » C'est évident. Je savais que ça ne marchera pas. C'est ça. Puis si tu restes, puis ça réussit, « Ouais, mais là, écoute, il n'y a rien à faire. » Quand tu commences à faire une transfusion sanguine, Mais le sang rentre par où l'aiguille est plantée. C'est là que ça fait le plus mal, mais c'est là qu'il en bénéficie le premier. Puis tout le corps au complet doit être ouvert à ça. Si tu fermes le vaisseau ici, ben ça ne rentrera pas, là. Ah ben moi, j'en ai pas, moi je ferme. Tu n'auras jamais non plus. Ah, mais si j'ouvre, là, il y a que lui qui en bénéficie. Elle laisse le temps, ça vient. Mais l'humain ne peut pas comprendre ça. L'humain a de la grande difficulté. L'humain qui est intelligent, les spiritualistes, ils peuvent le faire, mais les spiritualistes se font ramasser, ils n'ont pas de conscience. Ils n'ont pas d'intelligence. Si on décide, par exemple, financièrement, on met fin à tous les problèmes financiers, il va falloir, évidemment, qu'il y en ait un ou une au départ qui soit elle qui éclate. Disons qu'on regarderait ici, puis il y en a un qui est une compagnie intéressante. Bon. Une compagnie, par exemple, de poseurs de tapis. Je prends comme ça un exemple qui se peut pas, là. Bon. Une compagnie de poseurs de tapis. Est-ce que tout le monde peut poser des tapis? Non. Bon, est-ce qu'on devrait d'abord investir de l'argent dans sa compagnie pour qu'il fasse de la publicité? Quand il va commencer à grossir et en faire de l'argent, bien, il va en avoir un de réglé. Ça va nous avoir coûté, nous autres, peut-être quoi, 100 $ par mois pendant 4, 5, 6, 7, 8 mois, un an. Puis il y en a un qui va maintenant se ramasser qu'une vraie compagnie. Bon, oui, mais moi, j'ai pas plus de job. Ça change rien. Tu connais quelqu'un de riche, qui est intelligent et qui fait partie de la même cellule que toi. C'est sûr qu'il ne te lâchera pas. Ouais, mais s'il me lâche, bien, tant mieux. Tu sauras que lui, il fallait le mettre dehors. C'est réglé. Donc, on continue ensemble. L'humain doit comprendre cela. On continue à avancer. Puis, à un moment donné, ben lui, il est riche, lui, il fonctionne bien. Puis, quand on va avoir une autre idée géniale, il y a quelqu'un qui va avoir de la finance, qui va avoir des contacts pour venir t'aider. Ben, il va aider ces trois-là, là-bas. Ben oui. Puis, nous autres, on continue à mettre 100 $ par mois pour financer, supporter ce qui doit se faire. Bon, mais après 3 ans, ça va être le tour acquis. C'est pas une question de tour. Subitement, ça va s'étendre partout. Sauf qu'en attendant, l'humain qui est là, qui se dit « Ouais, mais c'est toujours le même qui... » C'est pas toujours le même. Ça fait 25 ans qu'il travaille sa maudite babelle, là. Puis nous autres, on était employés. Là, maintenant, on décide qu'on en est d'un. C'est pas lui. On a décidé que c'était elle. Bon, oui, mais c'est toujours elle qui avait. C'est pas elle qui a décidé ça. On a décidé que c'était elle. Sauf que la stupidité humaine fait en sorte que finalement, on s'en sort jamais. Non, mais ça change une affaire, par exemple. Si c'est... le groupe, ou en tout cas le mouvement qui décide, qui identifie une personne comme étant choisie, et non pas cette personne-là qui décide, hey, c'est moi, là. Oui. Mais je sais. Sauf que ça va changer quoi? Si tu demandes au groupe de choisir, dans le résultat, ça va nécessairement choisir les individus qu'on sait déjà que c'est eux autres. Fait que ceux qui sont stupides et qui ont de la dissonance vont dire, ouais, ben toi, regarde, ça en vient encore au même. Elle, la personne, elle ne veut pas que le groupe choisisse. Elle voudrait que le groupe choisisse, et non. Ben, elle a. Ben, peut-être elle ou un autre. Quelqu'un que ça ne marchera pas. Et ça fait partie de la stupidité. Je vous ai déjà parlé de plusieurs médecins qui ont fait un séminaire à un moment donné, qui voulaient s'ouvrir une clinique intelligente, acupuncteur, médecine, etc. Et finalement, ils n'ont pas pu. Parce qu'il y avait une chicane à savoir où on mettrait la chaise et le bureau de secrétaire. Il y en a un qui voulait ça là, l'autre qui s'abrimerait sa créativité quand il rentrerait travailler, il la voulait là, puis l'autre qui voulait ça là, puis finalement, ils n'en ont pas fait. Là, ils ont des bureaux séparés, trois secrétaires, trois, mais en tout cas. Bon, amusons-nous. Alors que s'ils sont organisés pour dire, écoute, fais le nom comme tu veux, ton petit bureau, puis moi, on va jamais travailler dedans. La forme. Mais la forme a la place pour le client. Ça va-tu? Ah, non, le client, là, c'est pas content qu'il est ailleurs. Mais il travaille ailleurs. C'est là qu'il va aller. C'est facile, mais l'humain doit comprendre qu'il va se faire charrier sans arrêt à travers ses alliances. Puis lui-même doit faire une alliance. On prend un exemple. On décide tout le monde qu'on part un projet communautaire qui, normalement, devrait recevoir des subventions. Il y a des programmes au niveau du ministère. Mais ça prend 3 personnes. Les 3 personnes vont être engagées pendant un an, payées par le ministère, etc. Là, il faut choisir qui. Là, on prend des plus qualifiés. Là, il y a du monde qui vont dire, tu vois, c'est ça. Moi, je n'aurai jamais rien. Moi, je n'ai même pas mon secondaire 5. Moi, je ne pourrais jamais rien faire. Si, bois, si tu es dans la bonne équipe, à un moment donné, tu vas bénéficier de toute façon. Là, on décide que c'est ça, le gouvernement ne veut pas trop. Là, on se met 100 personnes, puis on s'en va protester sur la rue, que c'est brillant que ça arrive. Mais c'est politique. Ils vont y donner. Ah, ben là, on t'a déniaisé, là, puis c'est l'autre qui l'a. C'est ça, l'humain. On n'arrive à rien. Il faut que l'humain se dise, bon, ben, sacrableu, on a réussi à en plugger 3. Pour un an, à faire un projet qui amène l'intelligence. Bon, maintenant, on se réunit, les 97 autres, là, puis on fait quoi, maintenant? Des solutions, il y en a 10, 20, 30 à chaque foutu problème. Mais à l'instant où on amène une solution, l'autre amène une solution, une autre, elles sont toutes bonnes. Faut en prendre une. Faut pas s'obstiner. Faut en prendre une. Tire là au hasard, la dissonance cognitive, élimine-la. Là, tu vas dire, OK, on va choisir une 5 de bonne. Pouf, on prend la quatrième. Tout le monde va dire, ben, parfait, la quatrième n'est pas bonne. Maintenant, on le sait. Hein? Tant qu'on en discutait, on ne savait pas. Pouf, prends la troisième. Énergétiquement, ça ne proteste pas, les autres sont toutes bonnes. On en prend une, puis on la fait. Ça fonctionne. Sauf que l'être humain, à cause, c'est comme un bulldozer. L'être humain agit souvent comme un bulldozer qui avance. Du moment qu'à côté d'une roche, là, ben, y a une chenille qui décide de ne pas pousser, puis le moteur, le piston ne marche pas, puis on avance nulle part. Il faut que l'être humain se crée des alliances. Il n'y a rien à faire d'autre. Il y a seulement des alliés qui vont être capables de traverser facilement les temps qui s'en viennent. Puis l'humain doit créer des alliances parce que les alliances sont en train de se créer. Puis ceux qui n'embarquent pas dans les alliances vont avoir de foutus problèmes plus tard. Ils vont regretter en maudit d'être intelligents. La stupidité, c'est un frein majeur parce que on appelle ça aussi le facteur humain. On organise une stratégie absolument merveilleuse, puis là, ben là, si tout est parfait, ben le facteur humain peut faire en sorte que tout plante. Les grands initiés, pas de famille, pas d'enfants, pas d'amis, pas personne. Les grands agents secrets, pas de famille, pas d'amis, pas d'enfants, pas personne. Ou du facteur humain, sans doute. Puis nous, on doit être capable d'avoir des amis, d'avoir des enfants, une femme, un mari, des parents, d'être entouré d'individus qui sont corrects, puis de passer quand même. C'est ça, on veut tout avoir, puis on veut réussir, là. Bien, on veut tout, c'est ça. Aucun devoir, mais juste des dons, des dus. On veut rien faire, on veut tout avoir. Bon, ben, oui. Ce que lui-même veut faire. Ben, moi aussi, ça, je veux. Ben oui, tu n'auras jamais rien. Non, mais je suis prêt à mettre de l'énergie, par exemple. Donc, tu es prêt à faire des devoirs. Oui, je suis prêt. Ça, mais la majorité des humains ne veulent pas faire de devoirs. Moi, ce qui arrive, moi, le problème, là, c'est que moi, je suis prêt à embarquer. À la condition que plaisir d'embarquer. Ben, moi, je suis prêt à embarquer avec d'autres. Mais il faut qu'ils soient là au même taux que moi. Ce que je dis, à la condition que les autres embarquent. Mais là, dans une société d'alliance, on ne peut pas demander à ce que l'autre soit là au même taux que toi du point de vue d'efficacité. Il faut que toi, tu mettes 100% de ce que tu peux. Non, mais moi, c'est pas... Lui, mettre 100% de ce qu'il peut, même si c'est en bas. C'est pas au niveau d'efficacité. C'est au niveau de... Bon, je dirais pas de la volonté. Disons, de l'honnêteté. De l'intention. C'est ça. Là, il n'y a aucun problème. Même s'il n'est pas capable de rien faire. Même s'il fait rien. Il faut qu'il soit capable de me supporter dans sa tête. Qu'est-ce qu'il faut? Puis, à travers les individus qui sont intelligents, présentement, c'est très, très, très, très difficile d'arriver à ça. Pourtant, c'est absolument essentiel. Il faut qu'on soit d'accord sur la même affaire, mais c'est ça, bon, c'est ça. C'est que souvent... T'es médecin. On part une commune, village comme ça, t'es médecin. Mm-hmm. On n'a aucun médecin. Là, tu vas être cultivateur. Mm-hmm. Nous, on te dit, écoute, tu vas être médecin. Non, mais j'aimerais mieux être cultivateur. Ouais, mais il faudrait que tu sois médecin. Mais je veux pas. Bon, ben, tu vas dire, c'est ça. On n'aura pas de village comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que tu sois médecin. On n'a aucun médecin, on a 20 ans de cultivateur. Bon, mais là, ma vie va être plate, là, si je suis médecin. J'aimerais mieux être cultivateur. Sauf si tu es intelligent, ta vie va être extrêmement intéressante. Tu vas comprendre d'être capable de mettre ta voile au service du groupe. C'est ça que l'humain doit comprendre. L'humain, il veut faire... Si on te charrie pour être cultivateur, ben, tu sais, il n'y a pas d'intelligence. On doit cesser planétairement d'agir uniquement en fonction de nos désirs. De nos goûts astro. Tu vas être aussi heureux, médecin, que tu as été cultivateur, mais présentement, tu ne le sais pas. Fait que tu vas être cultivateur. Ah ben écoute, quand il fait ses études, t'es médecin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y est-tu? On a un avion. Faut qu'on décolle. La guerre nucléaire. T'es pilote. Mais t'aimerais donc ça être passager. Bon. Tente pas de plonger. Mais t'en vas t'asseoir en arrière, on est tous passagers pour l'instant. Mais c'est ça l'évolution supplémentaire de la Terre. C'est ça qui me vient. Si toi, t'es un pilote, va en avant, je suis curé d'être pilote, puis on ne vous manipulerait pas, puis. T'es quelqu'un d'autre, suive le cours du pilotage. La guerre est là, la tanneau ouais, porte, mais, là. Ça, c'est parce que là, c'est exagéré ce que tu dis, mais c'est vrai quand c'est pas une situation d'urgence. En situation d'urgence, c'est là... Déjà, on est en situation d'urgence. Oui, mais ça t'arrête pas. Oui, mais on est en situation d'urgence quand même. Prenons l'exemple. Il se passera rien avant 5 ans. Mais ça va prendre 15 ans avant d'être prêt. Fait qu'il est temps, tabarnouche, on commence. T'es déjà 10 ans, non. C'est sûr que ça ne paraît pas. Quand ça va paraître, il va te rester 15 ans à te préparer. Non, mais c'est parce que l'humain, il arrive quand même à... Bon, il écoute la TV quand même, puis il est capable de manger, là, puis ben oui. Il arrive à vivre. Ben oui, il agit comme les Autochtones. Fait que je comprends ceux qui hésitent. Puis moi, ce qui me fâche, c'est de voir ceux qui attendent que ça marche avant d'embarquer. Mais c'est tout le monde? Non, mais c'est pas tout le monde. Ben, c'est pas tout le monde, t'en connais pas. Qui? Ben, qui sont embarqués. Ben oui. Ben, t'en connais, mais t'en connais pas beaucoup. Non. C'est pas beaucoup. c'est déjà pas mal, mais... Oui, c'est déjà pas mal. C'est pas correct, c'est pas mal. Mais c'est rien. Ben oui. Ouais. L'humain doit s'organiser pour grouiller. Mais c'est quoi qui s'en vient? Tout à l'heure, tu as dit les temps qui s'en viennent. L'être humain intelligent, les temps qui s'en viennent, c'est rien que j'en parle. J'en parlerai peut-être la deuxième ou troisième ou une autre fois. Bon, pour l'instant, c'est pas ça qui est l'idée. L'idée, simplement, c'est que l'humain qui a de l'intelligence agit en stupide. On est 25. Il y a de la place pour 20 dans l'avion. Qu'est-ce qu'on fait? On s'entretue, puis on le prend pas. Ben, on ne serait pas fourré par les autres. Ça, c'est l'intelligence stupide de l'humain. Tu devrais prendre ceux qui sont les plus parfaits à travers l'affaire, les mettre dans l'avion, pousser l'avion au cas d'école, puis les 5 qui restent, ils s'en vont mourir en paix. Ça, c'est intelligent. Mais l'humain, on va préférer mourir 20 s'entretuer, chicaner, ils vont s'acquiper après les ailes, puis ils vont s'écraser. Non, mais il faut être extrêmement... Intelligent. Ou extrêmement... c'est extrêmement mental en même temps, parce que là, il ne faut pas qu'il y ait d'émotivité. Non, au-delà, tant qu'être intelligent, c'est correct. Oui, mais quelqu'un qui l'est pas... Non, tu t'en vas, tu bois, etc. Dernièrement, on parlait, vous, là, ici, vous avez un enfant ou un parent, ou un ami, bon ami, qui vous a bien spécifié que si un jour il avait une maladie mortelle ou qu'un accident le rendait légumes, il voudrait que vous l'euthanasiez. Mais là, quand c'est le temps d'aller euthanasier votre fils, votre fille, votre parent, etc., là, prenez votre seringue avec votre produit chimique dedans, puis là, il vous regarde, là, puis il dit, ah, vas-y. Là, vous le piquez comme ça, là, puis il meurt, puis c'est parfait. Est-ce qu'il faut être mental? Peut-être. Mais si tu es intelligent, tu n'auras pas de problème. Tu peux t'aller broyer après, tu peux te broyer avant. Mais si tu ne le piques pas que tu es intelligent, tu vas broyer pendant, tout le temps. Il faut à un moment donné que l'humain parvienne à faire quelque chose. On prenait l'astral planétaire. Là, vous allez l'euthanasier, là, il meurt. Ça dit, j'ai réussi. Une semaine après, on va vous annoncer qu'on a découvert le médicament pour le sauver. Bon, ça marche comme ça, l'humain, la planétaire. Puis là, vous allez vous charrier, puis là, ah, c'est cher à l'été. Ouais. On attendait juste que vous le tuiez pour le sortir, là, ce petit produit. Mais ça marche comme ça, sa planète. Faut que l'humain finisse par se dire, ben tant pis, mangez de la merde. On en sauvera d'autres avec. Faut que l'humain avance dans la vie. Moi, là, c'est à eux autres, là, qui doivent manger de la merde, là. C'est eux autres que j'aimerais... La seule façon de leur en donner, c'est qu'il faut que toi, moi, d'autres, un paquet de monde, avance dans l'intelligence. On avance. C'est ça qu'il faut faire. On peut pas faire affaire avec eux autres, là. Puis non! Avance! T'as un bulldozer! Tu dis pas aux roches, pousse-toi! Pousse-toi! Aide la coquerelle! Sors de là! Il y a une roche qui va peut-être se pousser! Mais non, t'as donné ta machine, là? Tu leur as laissé 300-400 millions d'années pour se pousser? C'est toujours là! Puis là, tu passes avec ton bulldozer et tu fais un chemin dans la montagne. 2 ans après, les plantes ont poussé là-dessus, tout est bien correct, puis chaque roche est sûre. C'est le même qu'elles ont été créées. Bon, mettons, j'avance. Mais ils disent, Dieu, t'es extraordinaire, grec, plus bien droit. Avec un beau chemin, là, c'est extraordinaire, Dieu. Les chevreuils traversent là-dessus, puis ils savent pas plus. Avant, c'était les loups, maintenant, c'est les vannes. Bon, ils viennent les tuer. Puis c'est parfait. Mais à un moment donné, il y a un humain qui a décidé qu'il faisait ça à pédale, qu'il avançait ses manettes, puis que le bulldozer passerait. Ça a passé. Ça a grignoté, ça a pété un peu, tu mets de la dynamite à des places, puis ça part. L'humain doit avancer, on n'avance pas. Le moindrement qu'on est confortable et qu'on est dit, on arrête. C'est un peu comme ta fois, tu pars d'un moteur de bulldozer, puis quand tu commences à avoir chaud, tu dis crime. J'ai plus besoin de faire avancer le bulldozer dans le chemin. Le bain est tout chaud, le moteur est chaud, t'es tout. Le but, c'est pas de te réchauffer, c'est de faire un chemin. Pareil. T'es bien. Tu ne m'intéresses pas, tu recommences. Fait que t'avances. Fait que ta bande au four est à 20 000 de là. Mais là, parce que je vois un ennui qui est un problème. Bon. Oui, il a rien à comprendre. Mais c'est ça. Fait que, on va se revoir après. C'est ça. On va aller une pause.